Cuisine Référence. Cuisine Référence, recommandée pour ses cuisines sur mesure et son accompagnement. Vous aussi, vous nous recommanderez. Cuisine Référence, créateur cuisiniste. Et en ce moment, jusqu'à 3000 euros offerts sur votre cuisine. Conditions sur cuisine-référence.fr. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le cas Bruno Sulac, un braqueur pas comme les autres. Signe particulier en effet, jamais de violence, jamais de blessé. Sulac fait partie de cette catégorie de truands dont on peut dire qu'ils ont une éthique, une droiture, oui ça existe. Son intelligence, sa façon de partager son butin, de prendre sur lui tous les torts dès lors qu'il se fait attraper, l'ont classé à part dans les registres du banditisme. Sulac est aussi le roi de l'évasion, à l'ancienne, en sciant les barreaux de sa prison et en sautant par-dessus le mur d'enceinte, ou en innovant, lorsque deux complices, par exemple, profitent d'un transfert en train pour menotter les cinq gendarmes qui l'escortent et sauter du wagon. Mais en 1985, malgré des complicités au sein de l'administration pénitentiaire, sa dernière tentative pour se faire la belle, en l'occurrence de Fleury Mérogis, tourne au drame, elle lui est fatale. Notre invité aujourd'hui est Philippe Génada, écrivain et auteur du livre intitulé « Tout simplement Sulac », paru chez Julliard en août 2013. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Marjolaine Corr, coordination Franck Cognard, chargé programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'était un type qui était quand même mal dans sa peau de truand et qui vivait très mal la prison. La prison est vécue différemment suivant la personnalité des gens. Il y en a qui supportent très très bien. On dit que les vrais truands supportent très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une hiérarchie dans la prison. Donc le vrai truand, il arrive et c'est le seigneur. Et puis il se dit, bon, je suis là pour 10 ans. Et puis il fait ses 10 ans, il s'habitue et puis c'est fini. Et puis il y en a d'autres, c'était le cas de Bruno Sulac, qui ne pouvait pas supporter la prison. Le fait d'être enfermé... Et c'est pour ça que toujours il avait cette imagination en éveil pour se mettre en cavale. Combien de fois un policier a-t-il parlé ainsi de l'un des hommes qu'il traque, comme le fait ici le commissaire Georges Moréas? À n'en pas douter, Bruno Sulac est celui qui a marqué sa carrière. Il est vrai que rien n'est banal dans son histoire, ni ses débuts, ni sa chute. Il est la preuve que l'on peut choisir le mauvais chemin à cause de mauvaises rencontres. Et parfois, cette mauvaise rencontre est un juge. Adolescent, pas encore majeur, Bruno joue au jeune con avec sa bande dans les rues de Marseille, où il habite avec ses parents, son frère et ses deux sœurs. Un jour, il vole une mobylette pour aller faire un tour, puis la rend à son propriétaire. Furieux, ce dernier porte plainte. Bruno continue sa vie sans trop y penser. Peu à peu, se range des voitures et surtout des mobs. Il a 17 ans, besoin d'un cadre, il choisit l'armée. 21e régiment d'infanterie de la marine à Fréjus. Le garçon est apprécié, sportif, malin, il est très bien noté. Mais voilà, le procès pour le vol du Doro arrive et le juge ne se laisse pas attendrir par les efforts du prévenu pour se reprendre. Sulac est exclu de l'armée, renvoyé aux rues de Marseille et a une grande amertume. L'ennui aussi, que faire? Piquer une bagnole cette fois? Oui, allez, mais c'est faire prendre et finir en garde à vue. Découvrir aussi l'impact de ses jets sur sa famille. Sa sœur, Pauline, mineure, qui est tirée de son internat et placée ainsi en garde à vue, elle qui n'y est pour rien dans l'affaire. Bruno, lui, prend 4 mois ferme. Sorti de prison, il se tourne finalement vers la Légion étrangère, direction la Corse et son 2e régiment étranger parachutiste. Là-bas, il apprend la chute libre et à s'extraire de situations extrêmes. Plutôt doué, il parvient à battre le record depuis un avion et devient la fierté du régiment. Mais on lui annonce que sa performance ne sera pas homologuée. En tout cas, elle ne sera homologuée que s'il signe pour 50 plus. Or, le chantage, ce n'est pas le meilleur moyen de se mettre Sulac dans la poche. Donc, il décline. C'est avec cette contrariété qu'il part en perme le mercredi 17 mai 1978. La consigne est claire. Les légionnaires ont 5 jours de liberté, mais interdiction formelle de quitter la Corse. Bruno s'en fiche, il veut voir sa famille qui lui manque. Ses liens sont très forts avec ses parents, ses frères. ses frères et sœurs, surtout avec Pauline. Alors il prend le bateau, les rejoint à Marseille et passe du bon temps. Jusqu'à ce qu'il allume la télé et tombe sur le journal. Voici les premières images des parachutistes du 2e régiment de la Légion étrangère arrivés hier soir à Kinshasa. En début d'après-midi, les 600 hommes ont été largués par deux reprises au-dessus de Kolwezi. Cette opération de secours a été déclenchée à l'aide de 4 C-130 Zaïrois, 3 Transal français et l'appui aérien de Mirage 3 Zaïrois. En dépit de quelques accrochages avec les rebelles, aucune perte n'est à déplorer côté français. 600 hommes. Autrement dit, tout son régiment est parti au Zaïr pour libérer 3000 Européens et Américains retenus en otage. Sans lui, il a abandonné ses frères de combat. Et ça, c'est impardonnable. Comment affronter leur regard ensuite? Impossible. Sulak préfère déserter. Premier pas vers la clandestinité. Les semaines de cet été 78, il les passe loin de la France, à Majorque. Un soir, il croise Patricia, une jeune Française en vacances. L'amourette d'été passe rapidement à la vitesse supérieure lorsque la jeune femme découvre qu'elle est enceinte. Alors Bruno rentre avec elle vers Périgueux, où elle habite. Il veut faire les choses bien. Le couple s'installe, Bruno se demande ce qu'il va faire. Maintenant, lui, le déserteur, recherché par la police. Désœuvré, il noue une amitié forte avec le frère de Patricia, Yves. Les deux ont un tempérament de feu. La vitesse, l'adrénaline, c'est ce qu'ils recherchent. Parce que les petits boulots, trimer 12 heures dans la journée pour quelques francs, non, très peu pour eux. Alors Bruno propose à Yves de se faire un supermarché. Ses contacts à Marseille lui permettent d'avoir l'attirail nécessaire. Et puis Bruno est très minutieux. Il choisit le supermarché Mammouth d'Albi, celui qui a écrasé les prix. Depuis quelques jours, les deux complices surveillent les allées venues, repèrent le passage du fourgon qui vient chercher la recette. Bruno a loué une Renault 30 à Périgueux. Elle les attend à 1 km du supermarché. Le braquage, ils le feront avec une Simca 1100 volée la veille. Et après, ils changeront de voiture pour rentrer. Le jour J, ils entrent dans l'hyper comme des clients normaux. Font un tour dans les rayons pour s'assurer que rien ne cloche. Ils passent en caisse avec leur achat, comme tout le monde. Puis se dirigent vers la caisse centrale. C'est parti. Ils enfilent leur cagoule, Bruno s'engouffre derrière une caissière, pistolet en main, pendant qu'Yves surveille la porte. Il raconte, dans un épisode de Fait entrer l'accusé. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour prendre l'argent, c'est tout, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis voilà, nous avons pris l'argent, nous sommes repartis, et puis on était bien contents d'avoir réussi ça. Ça permet de passer un bon dimanche ensuite, quand on part avec les poches pleines. C'est vrai qu'ils forment une bonne équipe tous les deux. Partis sans courir, sans un cri, ils ont ôté leur cagoule et leur veste dans la Simca. Mais Yves oublie la sienne lors du changement de voiture. Erreur fatale, qui permettra plus tard de les identifier tous les deux comme les auteurs du braquage. En tout cas, pour Bruno, c'est la révélation. S'il est bien préparé, un braquage permet de se faire de l'argent facilement et surtout sans trop de risques. Leur premier butin rapporte 193 600 francs. Nous sommes maintenant en février 79. Sa fille va bientôt naître. Bruno veut faire les choses dans les règles. Alors tant pis pour la désertion. Il va se marier sous son vrai nom, avec Patricia, pour reconnaître son enfant. Il a déjà effectué 2 cambriolages. 48 heures après le mariage, il propose à Yves de rempiler pour un troisième. Il veut s'assurer que Patricia aura de quoi vivre le temps qu'il écluse sa peine pour désertion, parce qu'il sait qu'on va venir le chercher. Cette fois, direction le Mont-Laur de Montpellier, à 300 km de chez lui. Encore une enseigne disparue des radars, aujourd'hui comme Mammouth. Bruno a compris que Yves n'était pas friand des braquages et qu'il n'allait pas le suivre indéfiniment. Alors, il a renforcé l'équipe. Et ils partent à 4. Tout se passe comme sur des roulettes. Au retour, Bruno dépose Yves, garde Mago et rentre chez lui comme on rentre à la maison après le boulot. Sauf qu'à l'arrivée, 3 policiers l'attendent et lui signifient son arrestation pour désertion. Bruno est embarqué avec sa voiture au commissariat. C'est la tuile. Parce que les flics découvrent le butin dans le coffre. Et l'affaire devient bien plus intéressante qu'une simple désertion. Yves et Bruno sont envoyés au château, le surnom donné à la prison de Montpellier, particulièrement lugubre. 23 avril 79, la petite Amélie vient de naître. Bruno lui rend son frein en prison et a l'impression d'avoir mis un sacré bazar autour de lui, dans sa famille et dans son foyer naissant. Beau bilan à 23 ans. Mais tout cela ne suffit pas à calmer ses ardeurs. La prison est un cauchemar, il sent qu'il ne va pas tenir. Avec Yves, ils sont transférés à Albi, à disposition du juge d'instruction. Or, cette prison est parfaite pour envisager une évasion. Alors Bruno échafaude un plan. L'un de ses complices, Jean-Pierre, resté libre, parvient à lui transmettre un véritable kit d'évasion, comme le raconte Yves. Alors Bruno a eu cette idée de faire rentrer du matériel. Alors il y avait 4 lames de scie, c'était pas énorme, hein, 4 lames de scie et 2 talkie-walkie. À partir de 9h le soir, quand les cellules sont fermées définitivement, on a commencé à scier nos barreaux parce que ça prend du temps et puis les lames de scie cassent. On a réussi à sortir, on avait un top. Moi je l'entendais, j'entendais nos amis qui étaient de l'autre côté en disant bon, c'est bon, on est en place. Nous. Et là, Bruno a lancé le top en disant bon, envoyez. Ils ont envoyé la corde, on est sorti de nos cellules, on est parti en courant dans les chemins de ronde. Les surveillants étaient rentrés dans la cour, on les avait entendus rentrer dans la cour, courir en criant arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et à un moment donné, ils ne disaient plus rien. Moi, je me suis tourné comme ça, j'étais en train de pousser Bruno, il avait les pieds sur ma tête. Et j'ai vu qu'il s'est arrêté, et il y en avait un qui avait mis le genou à terre et qui nous visait. À deux doigts de toucher la liberté. Allez, Bruno prend le risque. Il enjambe le mur, saute et se réceptionne malgré les 4 mètres de hauteur. Une cheville foulée, c'est tout. Vive les années chez les paras. Yves, en revanche, estime plus sage de rester de l'autre côté du mur, donc retour en cellule, 45 jours de mitard. Et Bruno est en cavale. Et la cavale, ça demande de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est un stress de tous les instants. Mais pas pour lui, apparemment. Enfin, pas encore. Celui-là a retrouvé les autres complices, dont Drago, un Yougoslave, rencontré à la Légion étrangère. Et ensemble, ils reprennent les braquages de supermarchés. Dans la vie civile, Bruno a de nouveaux papiers. Il se prénomme Christophe Desbourges et affiche le métier de photographe. Le jeune homme croise le chemin de Thalie, celle qui deviendra l'amour de sa vie. À elle, il dévoile sa véritable identité et son palmarès. Pas farouche, Thalie décide de le suivre, et même mieux, de l'accompagner dans les braquages. Ensemble, ils en commettent plusieurs. Mais Bruno pense à Yves, qu'il a laissé derrière lui. Alors avec Drago, il monte son deuxième coup contre une prison. Il décide d'aller libérer son ami et un autre détenu, Jean-Louis, qu'il a rencontré en cellule et à qui il a promis qu'un jour, il viendrait le chercher. L'autre avait souri, sans se douter que Sulac n'avait qu'une parole. Ainsi, le 23 août 1980, pendant que Thalie les attend en volant à l'extérieur de la prison, Bruno et ses acolytes profitent de l'heure des visites pour braquer les matons avec une cagoule sur la tête et 2 revolvers entre les mains. Ils se font ouvrir les grilles. Jean-Louis est bien là, prêt à aller à son parloir. Yves, lui, manque à l'appel. Il a été envoyé au mitard la veille au soir. Encore raté. Alors les 3 hommes repartent comme ils sont arrivés, par la porte, sans un coup de feu ni un coup de poing. Et c'est une première en France. Alors la vie tranquille et les braquages reprennent. Bruno et Thalie emménagent avec des complices à Miramas. Mais un matin, Bruno pressent que la planque n'est plus sûre. Il avertit les autres, il faut quitter les lieux au plus vite. Il est accueilli par des rires, se fait traiter de Madame Irma, et personne ne les suit quand Ali et Bruno plient bagages. Or, le lendemain, la police débarque. Le couple, lui, s'est installé dans une petite maison près de la Corniche à Marseille, toujours avec une fausse identité. Il sillonne la France pour des braquages à Dijon, Albertville, Bourg-en-Bresse, puis rentre au Bercail. Bruno, qui n'a jamais coupé les ponts avec sa famille, passe la voir de temps à autre et lui écrit régulièrement. Des lettres où il tente de lui faire comprendre ce qui l'a poussé à choisir une telle vie. Je sais que je ne changerai rien, mais j'irai malgré tout jusqu'au bout de mes convictions. Je hais la violence à tel point que je me suiciderais si je n'avais pas l'impression que ce serait leur faire trop plaisir. Alors, cette société bâtie sur la violence, j'en userai, mais à ma façon, seulement à ma façon. Il y a des raisonnements de vie que je ne comprends pas, mais que je respecte. Pour chacun, je me situe nulle part dans cette société. Le fric, la vie, je m'en fous. Je n'ai aucune cause à défendre. Elles sont toutes vaines car de toute façon, c'est toujours le plus fort qui gagne. Comme je ne puis l'être, je vais simplement vivre comme je l'entends. Avec Drago, qui vient aussi de déserter la Légion étrangère, ils poursuivent leur braquage à trois, la routine. Mais Bruno sent le vent du boulet un matin dans sa petite maison marseillaise. Il réveille Tali et lui annonce qu'il faut lever le camp, tout de suite. Quelques heures plus tard, effectivement, la police est là. Un flair incroyable. Mais c'est la fin de l'insouciance. Marseille n'est plus sûre pour Bruno. Mieux vaut migrer vers la capitale, où il est plus facile de passer inaperçu. Les trois compères sillonnent la France en voiture ou même en avion pour aller braquer des magasins de ci, de là. Mais Sulak sent qu'une routine s'est installée, qu'il prend un peu trop ses aises et que ce relâchement peut lui jouer des tours. Non, il faut changer d'échelle, renouveler les enjeux. En plus, Drago veut se ranger des voitures, il est tombé fou amoureux d'une femme et veut fonder une famille. Pour cela, il compte même se rendre à la police. Oui, il veut être jugé, purger sa peine et repartir de zéro. Mais avant de te quitter, il prend le soin de présenter l'un de ses proches à Bruno pour le remplacer. Un certain Steve, un nom d'emprunt pour cet autre Yougoslave qui s'est fait aussi appeler Radisa Jovanovic, un autre nom d'emprunt. Ce garçon, grand et baraqué, joue parfois les gardes du corps pour Jean-Paul Belmondo. Il a même joué un flic dans Le Professionnel de Georges Lautner, ce qui fait bien rire la bande. Celui-là et Steve sont faits pour s'entendre. Pour sceller ce passage de flambeau, Bruno, Tali, Steve et Drago organisent ensemble un dernier coup. Le 3 juin 81, à la Bijouterie Claire, place de l'Opéra, l'une des plus exposées de Paris. Et comme dans les supermarchés, pas de violence, du calme, des amabilités pour désamorcer la peur et en quelques minutes, le butin est raflé, merci, au revoir et désolé pour le dérangement. Du côté des forces de l'ordre, un flic se penche sérieusement sur le cas Sulak, parce que ça commence à bien faire. Et ce policier, c'est le commissaire Georges Moréas, de l'Office central de répression du banditisme, l'OCRB. Il a mis toutes les relations du truand sur écoute et sait qu'il vit désormais à Paris. Alors, dans l'ombre, il se rapproche, notamment grâce à une jeune demoiselle qui s'est sentie trahie par Steve. Elle lâche tout. Et un beau matin, celui-là qui est cueilli à la sortie de son appartement. Et c'est la première garde à vue face à Moréas. Les deux hommes se jaugent et très vite s'apprécient. Bruno négocie, reconnaît certains braquages supplémentaires et obtient qu'on laisse Tali à l'écart de tout cela. Il le jure, elle n'a rien à voir dans ses combines. En tout, il reconnaît 13 braquages et il ne livre aucun complice. Alors, c'est parti pour une tournée de juridiction. Celui-là qui est attendu partout. Mais d'abord, il est envoyé à Montpellier pour l'évasion de Jean-Louis. Premier procès d'une longue série, Sulak prend 3 ans. À la sortie, la tournée commence. 5 gendarmes l'escortent avec Drago pour le prochain procès, direction Lyon, cette fois. Ils s'y rendent en train corail, mais Sulak a prévenu Moréas. Il ne faut surtout pas s'attendre à ce qu'il reste assis sagement en attendant le prochain verdict. Pour connaître le prix de la liberté. suis un évadé. Nécessaire de perdre la vue. Oh, pour espérer les soleils disparus. Je les vois briller, je suis un évadé. Jamais laissé enchaîner. On ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé. Il était 19h53 hier soir à l'arrière du train à Montpellier-Lyon. Cinq gendarmes ramenaient deux détenus, Bruno Sulac et Drago Rancic, condamnés à 3 ans de prison par le tribunal de Montpellier pour avoir fait évader en août 80 un dénommé Jean-Louis Secreto. Soudain, deux individus armés font irruption dans le compartiment, désarment les cinq gendarmes et délivrent Sulac de ses menottes. Quant à Rancic qui refuse de les suivre, eh bien il lui tire dessus, voulant certainement l'éliminer. Heureusement, la balle ne fait qu'effleurer le détenu et le gendarme qui se trouve à côté. Arrive à ce moment-là, le vendeur de boissons, qui, surpris par les trois hommes armés, tire sur le système d'alarme. Les trois gangsters n'en demandent pas plus. Ils sautent du train, prennent en otage un automobiliste arrêté au passage à niveau tout proche et disparaissent dans la nature en dépit de tous les barrages mis en place. Pour le major Gatoun de la gendarmerie de Montpellier qui m'a raconté cette évasion, celui-là, qui est, je vous le rappelle, un homme dangereux, pourrait fort bien avoir repris contact avec le milieu marseillais où il a des attaches. Des coups de feu, un homme dangereux, voilà celui-là qu'intronisait ennemi public. Peut-être parce que les gendarmes se sont sentis un peu ridiculisés, probablement d'ailleurs. En réalité, aucun coup de feu n'a été tiré dans le train. Les complices présents dans le wagon ont simplement récupéré les 5 armes et menotté les gendarmes avec leur propre matériel. Quant à Drago, qui a refusé de les suivre, c'est avec l'assentiment des copains. Ils savent qu'il veut purger sa peine pour retrouver sa belle. Et c'est parti pour de longs mois de planque, qui n'empêche pas Bruno de déjouer la surveillance de la police pour rejoindre Tali, rentrée contrainte et forcée chez ses parents. Elle doit pointer régulièrement au commissariat à cause de faux papiers découverts à son nom. Mais pas de quoi inquiéter Bruno. Il parvient à lui offrir quelques escapades clandestines dans les environs d'Avignon, où elle habite. Et puis, qui dit planque ne dit pas pour autant fin des braquages, ni des évasions. Alors la tournée des bijouteries reprend, avec Steve. Et Bruno retourne chercher Jean-Louis, qui s'est à nouveau fait prendre. Même avec tous les flics de France et de Navarre à ses trousses, même avec une guerre des polices qui démarre à son sujet, tout le monde veut s'octroyer le privilège de l'attraper. Et le voilà à la Taulaudière, devant la prison de Saint-Étienne. À l'heure de la promenade, il escalade le grillage. C'est le monde à l'envers et il retourne en prison en quelque sorte, mais furtivement et pour la bonne cause. Il lance une échelle de corde contre le mur d'enceinte de 6 mètres de haut et balance un flingue en plastique. Jean-Louis, qui attendait sagement, s'empare du pistolet, le braque sur les surveillants, grimpe aussi vite qu'il peut, lance le jouet sur le surveillant en riant et déguerpit de l'autre côté. Simple, efficace, comme toujours avec Sulac. Le soir même, les deux compères se régalent dans un restaurant des Champs-Élysées, riant de leur audace, du grand Sulac. Les braquages de bijouterie continuent, 8 millions de francs par ici, 10 par là, Paris, à Cannes. Et pendant ce temps, les polices, BRB, BSP, OCRB récoltent chacune des informations sans jamais se les transmettre. Et Sulac joue au chat et la souris avec Moréas en lui passant un coup de fil de temps en temps. Tu vas pas me dire que tu es à court d'argent quand même. À court de monnaie peut-être. Voilà, à court de petite monnaie. J'avoue que ça va, au petit peu plein truc, ça va. Je m'en doute. Hein. Bon, ben voilà, par ça j'ai pas grand chose à dire. Hein. À part que si tu me trouves dans la rue ou quoi, c'est pas souci, je suis jamais armé. Si on te trouve, tu nous flingues pas. Alors là, tu te. Non, mais. Si vous me trouvez, c'est que vraiment. Bon, d'une part, vous êtes fort, bon, je le sais, mais bon, ben, si vous me trouvez. Je pense que vous ferez les choses d'une telle façon que j'aurais pas beaucoup de chance et bon, je chercherai même pas à la trouver, tu vois. Moi, je vais te dire, si je te trouve pas, je démissionne. t'apprends que j'ai démissionné ouais. dans la presse, ouais. passe-moi un coup de fil, tu sauras que tu y es pour quelque chose. La provoque, c'est son truc. Bruno sait pertinemment qu'on le cherche de tous les côtés. On l'appelle même l'ennemi public numéro un. Ça y est, ça couvait. Ce qui n'est pas pour le rassurer. Mais il aime trop les pieds de nez. Alors, le jour de la visite d'Helmut Kohl à François Mitterrand, le 21 janvier 1983, il choisit de braquer la bijouterie Van Gold. Elle se trouve à quelques pas du trajet que vont emprunter les deux chefs d'État près des Champs-Élysées. La place sera noire de flics. Il pourra se frayer un passage entre les CRS et les policiers en civil pour dévaliser une bijouterie. La maréchaussée aura certainement la tête ailleurs, vers le cortège présidentiel. Et hop, 9 millions. Une semaine plus tard, c'est la bijouterie Cartier qui est visée, 10 millions. De son côté, Morias, le commissaire, a fini par rassembler les pièces du puzzle entre tous les services de police. Il faut dire que ça commence à chauffer dans la hiérarchie. L'une des armes volées à un gendarme dans le train Corail est retrouvée dans la voiture d'Anthony Delon, le fils de l'acteur. Alors forcément, ça jase. Mais c'est en fait un malheureux concours de circonstances. Soulac et Delon ne se connaissent absolument pas. Mais Bruno sent qu'il entre dans une zone de turbulence un peu forte. Il décide alors de prendre de longues vacances au ski à Avoriaz pendant que la guerre des polices fait rage. Certains proches de son milieu sont arrêtés par des équipes, alors que d'autres équipes tentaient de les filer pour remonter jusqu'à Bruno. Mais le moral n'est pas très bon. Une cavale, ça épuise. Il faut toujours plus d'argent, car une fois transformé en billets, les cases de bijoux à 10 millions rapportent en réalité quelques centaines de milliers de francs. En répondant à une commande sur l'insistance de Steve, Bruno frôle la catastrophe lors d'un braquage à Thionville. Les deux complices se trouvent cernés par les forces de l'ordre et sortent de la bijouterie grenade et otage à la main. Tout cela fatigue Sulac. Et puis, tel lui manque. Quand arrive l'été, il trouve un moyen de rejoindre sa belle à Cannes. En se fondant au milieu des touristes, les deux profitent d'une vie quasi normale comme une parenthèse enchantée. Le couple déambule sur la promenade, fait du lèche-vitrine et tombe en arrêt devant la bijouterie Cartier, l'une des plus grandes succursales de la Côte d'Azur. En ramenant Tali chez ses parents, Bruno lui dit « Regarde le journal télévisé demain soir. » Ok, mais elle avait déjà compris. Bernard Tronchon, le directeur de la succursale Cartier de Cannes, raconte. Deux personnes sont rentrées simultanément, une minute d'intervalle environ, et ont demandé à voir des objets. Alors le premier était reçu par une vendeuse et s'est fait ouvrir une vitrine. Et ensuite, le deuxième est rentré et m'a demandé d'avoir des montres. Je lui ai montré moi-même, lui ai présenté tout ce coffret qui se trouve là. Et à ce moment-là, j'ai entendu des cris, la vendeuse qui courait, l'autre personne arrivait avec un revolver derrière elle, et ceux qui se trouvaient devant moi, très grand, plus grand que moi, et type sud-américain, sorti un revolver également, me l'a pointé sur le ventre. Ils nous ont tous emmenés, donc avec les deux autres vendeuses qui se trouvaient là, nous ont emmenés dans leur boutique et nous ont attachés par terre avec des menottes. À la suite de ceci, le stockiste, sous la menace d'une arme, a été obligé donc d'ouvrir les coffres qui se trouvent dans la salle forte. Et là se trouvaient des pièces très très importantes qu'ils ont mis dans un sac de sport porté par eux. Et ceci a duré environ 10 minutes. 19 août 83. Bruno a enfilé la tenue parfaite du tennisman de la Côte d'Azur. Basket, soquette blanche, polo et raquette de tennis dans le sac de sport et des lunettes Cartier sur le nez, pour l'hommage. Détendu comme après une partie de tennis, justement, il entre dans la bijouterie à 1000 écarts, précise. Une minute plus tard, c'est évidemment Steve qui le suit. À eux deux, ils maîtrisent les 7 personnes présentes et font le casse du siècle, 40 millions de francs. Et s'offrent le luxe, en sortant, de repartir à pied, sans se presser, en se mêlant à la foule. C'est pratique les mois d'août. Pendant que les forces de l'ordre installent des barrages sur toutes les routes des environs, les deux complices repartent par les airs. Une semaine plus tôt, en effet, ils avaient réservé un jet privé qui les ramène confortablement jusqu'à Paris. Mais Bruno sent qu'il est temps de raccrocher. Le filet se resserre. Alors avec Steve, il s'envole pour le Canada, puis les États-Unis. Une escapade de quelques semaines, un salut amical à la succursale Cartier de New York sur la 5e avenue, un braquage pour la beauté du geste, et il rentre à Paris. Bruno veut préparer un départ définitif vers le Brésil. Au 36 quai des Orfèvres, on sait qu'il est rentré, les braquages de bijouterie ont repris. Et ça agace. Les effectifs dédiés à Soulac sont doublés. D'ailleurs, alors qu'il était en repérage dans une boutique, un bijoutier l'a reconnu. Bruno manque de se faire prendre, mais son flair l'alerte quand il arrive dans la rue. C'était moins une. Alors il prend sa voiture, roule jusqu'à Lisbonne et s'envole pour le Brésil. Il va préparer sa nouvelle vie en terrain vierge. Sur place, il se lie d'amitié avec un avocat, Milton, qui va l'aider à transférer son patrimoine en Amérique du Sud. Mais pour cela, il faut rentrer une dernière fois en France. Le duo atterrit à Lisbonne, reprend la voiture et roule jusqu'à la frontière franco-espagnole. Et c'est là que tout dérape. D'abord les papiers. Le douanier repère qu'ils sont faux. Sulak l'embobine en lui présentant des documents suédois et il explique au douanier qu'il circule sous une fausse identité à cause d'une relation extra-conjugale homosexuelle. Bien, le douanier mord à l'hameçon. Mais les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, c'est connu. Sulak ne savait pas que sa voiture était inscrite au registre des véhicules volés. Il est bon pour l'incarcération. Sous son identité d'homosexuel suédois, personne ne l'a reconnu. Milton, son avocat, prévient Steve, qui est rapide dardard. La course contre la montre est engagée. Il faut faire sortir Bruno avant qu'on découvre sa véritable identité en payant 50 000 francs de caution. Mais une semaine est nécessaire pour finaliser la transaction. Ça tourne mal. Les télégrammes de toutes les arrestations remontent à Paris et sont épluchés par les services de police. Et là, bingo, un jeune policier reconnaît Sulak. Il en est presque sûr. Deux officiers qui ont déjà interrogé le truand foncent alors à Bayonne, où il est incarcéré. C'est la fin de la course-poursuite. Enfin, pas tout à fait, car une évasion est toujours possible. Et c'est bien ce que veut croire Steve. Bruno a été transféré à Gradignan. Alors Steve veut faire le coup d'hélicoptère, cette fois, pour récupérer son ami. Mais l'idée fuite, il est attendu sur le tarmac. La chance a bel et bien tourné. Le gangster, tué ce matin sur la piste de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, Radica Jovanovic, s'apprêtait très vraisemblablement à faire évader un détenu de la prison de Gradignan dans la banlieue de Bordeaux. Armé d'un pistolet de gros calibre, il allait en effet se rendre maître d'un hélicoptère pour lequel il avait déjà proposé 1000 dollars. La police qui l'attendait a retrouvé dans sa poche un plan de cette prison de Gradignan. C'est là qu'est enfermé l'un de ses amis, Bruno Sulak, arrêté le mois dernier après une première évasion rocambolesque. Sulak est en mille morceaux. Steve, ou Jovanovic, comme l'appellent les médias, a toujours dit qu'il mourrait plutôt que laisser tomber Bruno. Ce jour-là, c'est aussi un peu de Bruno qui est mort. Exceptionnellement. Pour éviter les transferts qui sont bien trop risqués avec un tel détenu, toutes les procédures sont regroupées à Paris. Bruno est incarcéré à Fleury-Mérogis en tant que DPS, détenu particulièrement surveillé. Ses conditions d'incarcération sont difficiles. Certains semblent vouloir lui faire payer l'arrogance de ses précédentes évasions. Certains, pas tous, car d'autres l'admirent, oui. Et c'est le cas de Mark Medge, 22 ans, ancien commando marine et nouveau gardien de prison. Il sympathise avec Bruno. Au fil des discussions, celui qui avait perdu tout espoir commence à entrevoir une porte de sortie. Car Marc n'a pas froid aux yeux. C'est lui qui propose à Sulak de tenter une évasion. Le gardien complice est très proche d'un sous-directeur stagiaire et à eux trois, patiemment, ils vont préparer ce qui aurait pu être le coup du siècle. Tout était tellement bien prévu. La nuit, Marc ouvrira la porte de sa cellule et lui donnera un trousseau. Il rejoindra alors le parloir, près de la rotonde centrale, où l'attendra Thierry Snitter, le sous-directeur. Là, Snitter détournera l'attention des gardiens de l'accueil, pendant que Sulak se faufilera dans le bâtiment administratif. Ici, pas de barreaux aux fenêtres. Sulak pourra entrer dans un bureau, ouvrir la fenêtre et sauter du premier étage. Il n'aura plus qu'à s'installer dans le coffre de la R5 de Snitter et à se laisser porter jusqu'à la liberté. Avec de telles complicités, franchement, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Rien. Si ce n'est un couloir fermé à clé alors qu'il ne l'est jamais habituellement. Mais déjà, Bruno a prévenu ses sœurs, il arrive. Pauline raconte. On savait qu'il allait s'évader. Il nous dit, voilà, vous allez au Brésil, quand l'évasion est terminée, je vous rejoins. Donc ma sœur part d'abord, moi je pars ensuite, on se retrouve au Brésil. On prépare la bouteille de champagne et on se dit, on boira le champagne après minuit, puisque c'est dans la nuit qu'il doit s'évader. Évidemment, on ne l'a jamais ouverte, cette bouteille. Dans la nuit, on a un coup de fil qui nous annonce qu'il a tenté une évasion et qu'il est dans le coma à l'hôpital. Et on apprend que cette évasion s'est faite avec la complicité d'un gardien et d'un directeur de prison, d'un sous-directeur de la prison de Fleury-Mérogis, donc normalement qui avait toutes les chances de réussir, hein, puisqu'ils avaient les clés, si j'ose dire. La version des derniers moments de Sulac n'est pas très claire. Coincé dans le bâtiment administratif au deuxième étage, puisque le premier était fermé, il s'est caché dans un placard. On ne sait pas exactement comment des gardiens ont eu l'idée de se rendre dans ce couloir précis, comment ils sont tombés sur lui. Toujours est-il que Bruno a fini par chuter de la fenêtre, tête la première, lui le légionnaire qui maîtrisait tant les cascades. D'ailleurs, la famille n'a jamais cru à l'accident. La dernière cavale de Bruno Sulac s'est terminée cette nuit, ici, dans un pavillon de l'hôpital de la Salpêtrière. Depuis son évasion manquée du 18 mars, Bruno Sulac était dans le coma. La rate et le foie éclatés, il avait subi aussi une lobotomie frontale, il n'a pas survécu. Le 5 avril 1985, au cimetière de Thiers, au sud de Paris, un officier de police referme le cercueil. Même dans sa mort, Bruno Sulac reste un détenu. Sa famille a l'obligation de l'inhumer dans le carré réservé à l'administration pénitentiaire. Entre-temps, le commissaire Moréas a démissionné, bien avant l'arrestation de Sulac. Autrement dit, dans cette histoire, personne n'a gagné. Ni le vice, ni la vertu. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le cas Bruno Sulac, dont nous parlons avec notre invité Philippe Genada. Bonjour. Bonjour Fabrice. Écrivain, auteur de Sulac, le livre Sulac, publié chez Julliard. Vous avez raconté entre autres et entre beaucoup d'autres l'histoire de Pauline Dubuisson, par exemple, avec la petite femelle qui a beaucoup de résonance chez nous, puisque c'est l'un des tableaux de la pièce Affaires sensibles. Bref, vous vous êtes beaucoup penché sur ce qu'on appelle le fait divers, qui vous intéresse, qui vous fascine. Il y a beaucoup de faits divers. Donc pourquoi Sulac, par exemple? Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette histoire précisément? C'est un bon exemple, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans le fait divers, ce sont pas les crimes, ce sont les hommes ou les femmes. Et Bruno Sulac, qui a été d'ailleurs le premier de ma série de livres qui parle de faits divers, C'est vraiment typique, c'est vraiment marquant, c'est-à-dire c'est quelqu'un, finalement, quand on regarde là ce que vous venez de raconter, non seulement il n'y a pas de crime, mais il y a même, il n'a jamais tapé sur la tête de quelqu'un, il n'a jamais poussé quelqu'un. Il le dit lui-même, on a entendu une lettre qu'il écrit, il est vraiment non-violent. Et c'est quelqu'un qui était destiné à tout, sauf à se retrouver avec un revolver dans les mains, à braquer des bijouteries ou des supermarchés. Donc c'est sa vie qui m'a intéressé, à l'époque où... parce que en fait quand il est mort, moi j'avais 21 ans, c'était l'ennemi public numéro 1, et quand j'en ai entendu parler 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, je me suis rendu compte que je m'en souvenais plus, je savais pas qui était Bruno Sulac en fait, alors qu'on sait très bien qui est Mérine par exemple ou... Ouais, bah oui. C'est juste parce qu'il n'a tué personne, il n'a violenté personne et ça m'a intéressé de voir comment un bon gars comme ça qui avait à peu près toutes les qualités qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il était beau, même si c'est superficiel. Il était intelligent, il était drôle, il était gentil. Il avait tous les talents, aussi bien il était photographe, il était parachutiste, il faisait de la couture. Il avait absolument tous les talents nécessaires. Il avait une famille très soudée, très unie, et qui l'aimait. Il a grandi à la campagne, à côté de Marseille. Il avait absolument tout dans la vie pour être heureux calmement. Et 29 ans plus tard, malheureusement... Il meurt en essayant de s'échapper d'une prison après avoir été l'homme le plus recherché de France. Ce qui m'a intéressé, c'est comment on passe de ce point A à ce point B qui sont opposés, sans qu'il y ait vraiment de drame ou de traumatisme dans sa vie, par petits décalages, petites malchances, des choix. Je pense qu'il a fait toujours à peu près les choix qu'il fallait faire, mais qui peuvent être discutables. Et voilà, petit à petit, on se retrouve à être poursuivi par toutes les polices de France. Alors qu'on aurait pu être quelqu'un de parfaitement intégré, ce que vous venez de dire. Et alors, ça induit des rapports étonnants, notamment entre le bandit et le flic, avec Moreas. Ouais, c'est une histoire incroyable. Bon, on va commencer par Moreas. Qu'est-ce qui vous en a dit, vous? Vous le connaissez, ouais, le commissaire? Oui, je l'ai vu il y a pas longtemps, là encore, qui est un type formidable, et qui dit, alors ça peut paraître un cliché, mais c'en est pas un, c'est vrai, qui dit, on aurait pu avoir chacun le rôle de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, Georges Moreas a écrit un livre où il raconte sa vie, ça ressemble vraiment au début de la vie de Bruno Sulac. Un peu sportif, un peu décodeur quand ils sont jeunes. Et puis il y en a un qui est devenu policier et un qui est devenu braqueur. Mais ils s'entendaient. L'extrait qu'on a entendu là, qui m'a vraiment moi bouleversé parce que étonnant, je l'avais jamais entendu. Entre les deux au téléphone, là. Communication téléphonique. Formidable. Et Georges, que j'ai vu là il y a vraiment quelques mois, en parle encore comme d'un ami. C'est-à-dire que vraiment, quand il parle de Bruno Sulac, il n'a pas les larmes aux yeux 30, 40 ans après, mais enfin pas loin. Et vraiment, ils étaient très proches, juste chacun, mais pour un tout petit décalage au départ, chacun a pris une voie qui les ont amenés l'un face à l'autre. Et ce qui est fou, c'est qu'ils se faisaient confiance tous les deux. Ils se sont presque rendus des services. Moreas a accepté de laisser partir Thaly quand ils ont été arrêtés, Bruno et Thaly. Bruno lui a dit, c'est une fille que j'ai rencontrée hier dans une boîte de nuit, elle a rien fait. Je pense que Moreas l'a pas cru, mais enfin il l'a quand même laissé partir pour faire plaisir presque, hein, j'allais dire, à Bruno. Et Thaly, qui est une femme qui nous écoute en ce moment, elle m'a appelé ce matin, ah bon, en disant j'ai appris que c'est chez France Inter. Donc Thaly, je t'embrasse. Et Thaly, qui est comme Bruno, qui est une femme, qui est qu'on peut imaginer braqueuse comme moi, vous pouvez imaginer patineur artistique, quoi. C'est-à-dire qu'elle est vraiment à l'opposé de ce que de l'imagerie de la braqueuse ou de la hors-la-loi. Et pareil, voilà, pour Moreas, en fait, c'est des gens qui se sont retrouvés à des places qu'ils n'auraient pas forcément dû avoir et que la vie a poussé vers tel ou tel endroit. Et ça explique aussi probablement cette évasion avec la complicité pénitentiaire, ce côté charmeur, peut-être même charmant. Ouais, c'est ça qui est aussi incroyable, c'est que Bruno, comme vous l'avez dit dans le très beau texte que vous venez de lire, s'est évadé plusieurs fois, on resserrait de plus en plus la surveillance, à Fleury, vraiment, c'était déjà, Fleury est une prison dont personne ne s'est jamais évadé, mais en plus, il était plus que surveillé, c'est-à-dire il était changé de cellule toutes les deux semaines, même changé de zone, parce que Fleury est une prison en étoile avec des zones éloignées, il n'y avait aucun moyen pour lui de s'évader. Qu'est-ce qu'il fait ? Il séduit dans le sens très large du terme, c'est-à-dire son charisme, sa sympathie naturelle. Il séduit le sous-directeur de la prison, quoi. C'est pas rien, quand même. Sous-directeur de Fleury-Mérogis qui l'aide à sortir. Et là, tout au bout du parcours de Bruno, qui est parsemé de petites malchances, comme je disais, ou de directions imprévues, Tout au bout de ce parcours, il y a, comme un symbole sinistre, une porte qui devait être ouverte, que le sous-directeur devait laisser ouverte. Et apparemment, ce serait un gardien qui serait passé, qui se serait dit, tiens, cette porte est ouverte, normalement, elle devrait être fermée. Il la ferme à clé, et à cause de ça, Bruno ne peut pas exécuter le plan prévu par le sous-directeur lui-même. C'est le sous-directeur qui lui a dit, tu vas dans mon bureau, c'est au premier étage, il y a du gazon en dessous, tu peux sauter. Mmh. Et là, il a dû aller au deuxième étage, à un endroit où il n'y avait pas de gazon. Et comme vous disiez, sa fin reste et restera pour toujours mystérieuse. Tiens, d'ailleurs, puisque vous dites ça, on va écouter d'abord une archive, puisque la version officielle de sa mort, c'est la chute d'une fenêtre. La famille de Sulak, elle a toujours suspecté une version, on va dire, arrangée. Et Pauline, sa sœur, s'exprimait un an après sa mort, c'était sur France 3. Les matons ont dit, nous avons découvert Bruno Sulak dans le placard où il était au deuxième étage parce que d'en bas nous avons entendu un bruit. Et il vient d'être démontré à la deuxième reconstitution accordée par le juge de Sagne, alors que le parquet n'était pas d'accord pour cette reconstitution, donc accordée parce que lui-même se pose des questions, il a été démontré que ce bruit n'a jamais pu être entendu. Et le juge de Sagne pose alors la question, il dit, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Et les gardiens répondent, ben vous comprenez, on a dit ça parce qu'en fait nous sommes allés monter boire un café à un endroit où on n'avait pas le droit de le boire, et pour éviter de se faire engueuler, on a dit qu'on avait entendu un bruit. Mais toute leur déposition reposait sur le fait qu'ils ont découvert Bruno à cause de ce bruit. Alors moi je veux bien, mais tout ça n'est pas normal. La vérité, elle n'est pas évidente comme ça, mais je crois que quand elle existe, elle est simple à dire. Je maintiens que Bruno, debout sur le rebord d'une fenêtre, tenu par le blouson, ayant préparé cette évasion depuis des jours et des jours, sachant que dans quelques secondes il va devoir sauter ces 7 mètres qui est en bas de lui, puisqu'il est tenu en équilibre par ces gens-là, ne peut pas tomber à plat sur le côté droit et imploser complètement. Ça n'est pas possible. Quand on sait qu'il a été champion du monde de chute libre, quand on sait qu'il a été para, quand on sait qu'il était préparé psychologiquement, ça n'est pas possible. Philippe Génada, Snitter vous a parlé? Vous l'avez rencontré? Non, Snitter qui a... Il était en prison après, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en prison, il s'est suicidé. Il est sorti de prison, il s'est suicidé. Ah oui. Ça l'a complètement, évidemment, détruit, cette histoire. Et puis surtout, ça l'a détruit parce qu'il s'est considéré comme responsable de la mort de Bruno Sulak. Mmh. C'est pas le fait d'avoir trahi l'administration pénitentiaire, c'est que il a pensé, enfin je crois, je sais pas dans sa tête, que c'est à cause de lui que Sulak était mort. Bon. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez du scénario, de la véracité du scénario? Alors, moi j'ai beaucoup parlé avec la famille, avec Pauline, entre autres, ou Thali, ou la famille. Donc moi j'ai jamais rencontré Bruno Sulak. Hein. La famille est persuadée, ce que vient de dire Pauline, d'expliquer très bien, que c'est loin d'être aussi clair que le voudrait la version officielle. Et vous, non mais votre intime conviction? Moi j'ai étudié les rapports d'autopsie, j'ai étudié la reconstitution. En vérité, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas savoir. Dans le livre, je donne les deux hypothèses, j'explique le plus précisément, le plus objectivement possible, les deux hypothèses. C'est-à-dire, c'est une sorte d'accident. Bruno, coincé par les gardiens, en une fraction de seconde, doit décider s'il prend le risque de mourir en sautant la tête la première, ou s'il passe 20 ans en prison. Et l'autre version, qui est, pour des raisons un peu, évidemment, sombres et troubles, il aurait été tué, ou en tout cas presque tué d'abord, puis jeté par la fenêtre inconscient pour cacher ça. Après, je ne prétends pas avoir la vérité, donc je me mets plutôt du côté de la famille avec mon cœur, puisque eux sont persuadés qu'il n'aurait pas sauté s'il avait pu éviter. Allez, on se retrouve dans 3 minutes, pas plus, après avoir écouté Ezequiel Payès, L'Attente. J'ai froid dans mes cheveux. Ma vie est oppressée. Et tout à coup, s'échappe de mon cœur. Quand je ne te vois pas, le temps m'accable et l'heure, à je ne sais quel poids impossible à porter. Je sens languir mon cœur qui cherche à me quitter, et ma tête se penche et je souffre et je pleure. Quand ta voix saisissante atteint mon souvenir, je tressaille, j'écoute et j'espère immobile. Et on dirait que Dieu touche un roseau débile, et moi tout moi répond, Dieu faites-le venir. J'ai froid dans mes cheveux, ma vie est oppressée, et ton nom tout à coup s'échappe. serai toi-même enfin. Quand j'ai cessé d'attendre, tremblante, je me sauve en te tendant les bras. Je n'ose te parler et j'ai peur de t'entendre, mais tu cherches mon âme et toi seul l'obtiendras. Suis-je une sœur tardive à tes vœux accordés, es-tu l'ombre promise à mes timides pas? Mais je me sens frémir, moi ta sœur quelle idée, toi mon frère aux terreurs dis que tu ne l'es pas. J'ai froid dans mes cheveux, ma vie est oppressée. France Inter. Affaires sensibles. Philippe Génadas, celui-là qui a écrit, je crois, des chroniques pour l'autre journal. Il a fait des confidences. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Ouais, les trois derniers mois de sa vie, quand il était incarcéré, donc à Fleury, on lui a demandé, parce qu'il était évidemment très célèbre à l'époque, hein, le directeur de l'autre journal, Michel Butel, lui a demandé d'écrire il lui a offert une page ou deux pages, je sais plus, ou trois, chaque mois dans le journal. Et Bruno n'avait pas le droit de parler de la détention, puisqu'il était incarcéré, il n'avait pas le droit. Et donc il a trouvé un beau moyen de contourner ça, c'est-à-dire qu'il parlait du Brésil. C'est des chroniques qui, ses souvenirs du Brésil quand il est allé juste avant d'être arrêté. Et en fait, il décrivait l'enfer de l'incarcération et de l'enfermement par la négative, c'est-à-dire en ne parlant que des belles choses du Brésil, de la liberté, de la beauté des paysages, etc. Et il a dit, et donc il n'en a écrit que trois, et puis ensuite il y a eu cette tentative d'évasion qui lui a été malheureusement fatale. Il a dit dans une lettre à sa famille, je pense que c'est à sa sœur Pauline ou peut-être à son père, il a dit en fait j'aurais dû être écrivain, ça permet de vivre dans la marge, comme un brigand, comme un gangster, mais sans être arrêté, on vous laisse tranquille, on vous dit vous, rien. Vous confirmez? Je confirme, j'ai hésité entre brigand et écrivain, j'ai pris écrivain sur les conseils de celui-là quoi. Bon. Alors, il y a un point qu'on n'a pas beaucoup abordé dans le récit, parce qu'on manque aussi d'informations, y compris vous, je crois, sur ce point, mais enfin, quand même, pour écouler les bijoux, comment ils se débrouillaient? Alors ça, il n'a pas dit beaucoup, mais il a toujours dit qu'il avait des sortes de dossiers, c'est-à-dire, en fait, il travaillait avec les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que, par exemple, on se rend compte que Cartier, il aimait beaucoup les bijoux Cartier, en particulier un bijou panthère avec des émeraudes qu'on n'a jamais retrouvé. Et Cartier, le président de la maison Cartier, a déclaré dans la presse, le Bruno Sulac fait plus de bien à notre maison pour la réputation de notre nom que n'importe quelle publicité. Décidément. Ouais. Et en fait, dès qu'il avait cambriolé une bijouterie, au lieu de passer par des receleurs ou des gens qui sont toujours un peu troubles, il appelait directement les compagnies d'assurance. Enfin, je donne un nom, c'était souvent Lloyd's, par exemple. Et il leur disait, voilà, si vous devez rembourser, je sais pas, 10 millions de francs à Cartier, moi, je vous revends les bijoux pour 5 millions. Et donc, ça vous fait économiser 5 millions, c'est bien. Et en fait, ça marchait comme ça. Et quasiment toutes les bijouteries, il en donnait beaucoup autour de lui des bijoux, où Steve aimait beaucoup les montres, son ami Steve aimait beaucoup les montres. Donc, il en distribuait pas mal, mais tous ceux qu'il distribuait pas, il les revendait aux compagnies d'assurance qui étaient très contentes de faire des économies. Philippe Génadas, on parle de votre tout dernier livre? Ah ben on peut, mais sans preuve et sans aveu. Il faudrait deux heures et demie. Non, je vais faire le pitch. D'accord, je vais faire le pitch. Donc ça raconte l'histoire d'Alain Laprie, c'est ça, ouais. 66 ans, un ancien entrepreneur bordelais incarcéré au centre de détention de Mozac en Dordogne. Alors il y purge une peine de 15 ans, accusé du meurtre de sa tante de 88 ans, Marie, qui a été retrouvée morte en 2004 avec une plaie à la tête dans sa maison, en partie incendiée du Lot-et-Garonne. Or Alain Laprie se dit innocent de ce crime depuis 18 ans. Il était acquitté en première instance en 2018. Il a été condamné en seconde en 2020. Vous l'avez rencontré quelques jours avant son incarcération, c'est ça? Oui, en août 2021. Et ce livre est une sorte de contre-enquête pour démontrer, je crois que c'est votre intime conviction, l'innocence de Laprie. Pour le coup, vous prenez parti? Alors moi, je suis absolument convaincu qu'il est innocent, mais mon intime conviction, on s'en fiche un peu, je vois pas pourquoi elle importerait. En revanche, je suis surtout convaincu qu'il a été jugé n'importe comment dans les années 2000 en France, un pays civilisé avec une justice qui se débrouille comme elle peut. Il a eu un procès qui n'est pas équitable. Et il est actuellement, cet homme qui a maintenant entre 66 et 67 ans, il est incarcéré pour sans doute les 10 prochaines années de sa vie. Il faut qu'il y ait une révision du procès. qu'on le pense innocent ou coupable, et encore une fois, moi je mets mes deux mains et un pied à couper qu'il est innocent, on ne peut pas envoyer un homme en prison sur une enquête, une instruction et un procès aussi, on va dire bancal pour être gentil, mais calamiteux, j'ai envie de dire. Donc, je fais de mon mieux pour essayer que ce type formidable qui vient de passer les fêtes enfermé loin de sa femme et de son fils sorte dans pas trop longtemps. Et ça s'appelle Sans preuve et sans aveu, c'est sorti en octobre dernier. Oui. Très bien. Merci infiniment, Philippe Vidal. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Sulac, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillé.